de ce bilan, qui est à la fois positif et négatif. Le bilan est à la fois positif et négatif. C'est à ce que Belletti, en fait, c'est kiff-kiff d'un côté de la paix et de l'autre de la guerre. D'un côté de la bourgeoisie et de la pauvreté. Souvent, c'est eux qui se font marcher dessus et personne ne peut les aider. D'un côté des gens clean et d'autres qui sont drogués. Je le suis pas, mais je comprends qu'ils soient esquintés. On considère toujours cette apolitique car on raison, même si ils se sont discrédités. Et... oh, pour abuser du pouvoir musical. T'as la fois petit du bilan et t'as la fois positif. Et... le bilan est à la fois positif et négatif, c'est task. En fait, c'est kiff-kiff d'un côté de la paix et de l'autre de la guerre. D'un autre côté de la bourgeoisie et de la pauvreté. Souvent c'est eux qui se font marcher sur les billets et personne peut les aider. D'un côté des gens qui et d'autres qui sont drogués. Je le suis pas, mais je comprends qu'ils soient esquintés. Considère toujours que certains politiques ont raison, même s'ils se sont discrédités. Hey, oh, pour abuser du pouvoir, ils y go, on n'est pas des nigos. On sait déjà qu'ils veulent nous bouffer comme des veaux. Les violences policières, les crimes de militaires, ah, plein de crimes anti-humanité qui des fois sont cachés. D'autres gens sont oppressés, de toute façon ils sont toujours seuls parce que personne ne les voit. Gars, certains disent car on devrait donner une note d'insalubrité. Si tu vois de quoi je veux causer, certains enfants n'ont même pas dit. Déjà, je te parle d'ailleurs, frère ou sœur, ça part vraiment en couille. Ce que je dis, c'est pas de la couille, ni de la rouille. Le bilan est à la fois positif et négatif. C'est à ce qu'on peut l'aider. En fait, c'est kiff-kiff d'un côté de la paix et de l'autre de la guerre. D'un côté de la bourgeoisie et de l'autre de la pauvreté. Le bilan est à la fois positif et négatif. C'est à ce qu'on peut l'aider. En fait, c'est kiff-kiff d'un côté de la paix et de l'autre de la guerre. D'un côté de la bourgeoisie et de la pauvreté. Non, non, je veux pas croire qu'il y a que du négatif. Alors, avec les jeux qui perdent leur mise, j'ai bien vu qu'il n'y a pas que ça. Moment, hein. Des fois y'a de quoi être content. Qui te dit que sur ça je mens? Je sais qu'il y a pas de décisera. Tout ça je l'ai vu, mais de toute façon ça revient toujours. C'est trop con, surtout après ça tourner rond. Ça alterne entre les pleurs et les joies. Je fais un constat, ah. J'ai plein de souvenirs. Bon, la preuve que c'est pas tout le temps que ça tourne pas rond. Je l'ai remarqué avec beaucoup de façons. Les bons moments ne doivent pas être oubliés. Y'a des jours où c'est mieux de positif. Pour oublier certains blèmes, même s'ils reviendront, c'est con, je sais, mais c'est comme as. Pour que certains positifs s'en sortent, il leur faut un 5 et masse. Pour que ce plus, pour que pour eux ça passe, plutôt que ça casse. Le bilan est à la fois positif et négatif, c'est à ce qu'on peut l'aider. En fait, c'est kiff-kiff d'un côté de la paix et de l'autre de la guerre. D'un côté de la bourgeoisie et de la pauvreté. Le bilan est à la fois positif et négatif, c'est à ce qu'on peut l'aider. D'un côté de la paix et de l'autre de la guerre. D'un côté de la bourgeoisie et de l'autre de la pauvreté. Regarde ce qui se passe. Beaucoup de gens nous ken. Faudrait leur mettre avec un texte ou quelque chose. Tout une rafale à la ou couteau no kin. Voilà une phrase que j'ai citée dans un de mes précédents textes. Où sont, c'est ce qui se passe au fond. Des mille fois pleurs car des fois ça cause des morts. Ça amène à vouloir se venger. Comme si cela haine qui a vu, qui a voulu tuer. Fait buter par des policiers. Hey, heureusement qu'on ne vit pas comme certains de Compton. Dans la favela de Zepé Kenyokro, qui a fini troué par balle. Du pas moralisateur, mais constateur et contestataire. C'est pour les quartiers chic comme pour les quartiers choc. Vois pas pourquoi tu te moques. Dans ceux qui te le diront, il y aura aussi des vrais chanteurs de punk rock.